né dans la poussière, je grandis sans faire vraiment aucun bruit. Je me suis nourri des plus grands désirs, fièvre absolue. Marchant dans la crasse d'une vie impasse, j'ai cru m'en sortir. Quand j'ai pu voler, mes ailes déployées pour un nouveau monde. Vient le temps d'aimer, se faire désirer, rien n'était plus fort. Vient le temps d'aimer, puis d'être écrasé face aux piles du jeu. Et tant bien que mal, je trouve l'étoile qui me mènera au prochain sourire, voire même fou rire pour s'évanouir. Tant de fois l'on croit être sur la voie qu'on a cru tracer. Puis à chaque orage, on hurle de rage, on maudit sa vie. Je n'ai plus de lit où poser ma vie, je vis hors de moi. Devant la menace des années qui passent, je m'avoue vaincu. Une éternité qui s'était lancée à sa fin. La pleine lumière en pleine misère s'éteint. Et je me détache de ce qui m'attache. Je m'en fais. Je n'ai plus la force de faire une amorce. Cœur à la dérive, je m'attends au pire, j'ai perdu le jeu. Je ne compte plus tous mes jours perdus, je m'accroche à eux. Triste ritournelle a fait de mes ailes des membres inertes. Ma pauvre carcasse n'a trouvé de place que dans la tristesse. Les pieds dans la boue, noyés jusqu'au cou dans mon piètre vin. Né dans la misère, je meurtris mes nerfs et saigné des larmes. Je nourris des rêves qui maintenant me crèvent face pile du jeu. Je traîne ma masse le long de ma poisse, je n'ai plus que ça. Perdu toute trace des cœurs qui s'enlacent, vieille toile lointaine. On se désintègre lorsque se dérègle le cœur amoureux. Et je me défais de tout ce qui est, je choisis le noir. Né de la poussière, je n'ai rien à faire d'autre qu'y retourner. Une éternité qui s'était lancée à sa fin. La pleine lumière en pleine misère s'éteint. Et je me détache de ce qui m'attache. Je m'en vais. Je n'ai plus la force de faire une amorce. Une éternité qui s'était lancé à sa fin. La pleine lumière en pleine misère s'éteint. Et je me détache de ce qui m'attache. Je m'en vais. Je n'ai plus la force de faire une amorce.